l'odeur. Il te souvient tout ça, il fait battre ton cœur. Souvent, m'y t'es assise, m'y regarde mon bonheur. M'y habite des ciels, ça t'y fait battre mon cœur. Et puis un jour tu décides, tu pars pour un ailleurs. Tu es ça qui ton île, bon Dieu la paix. Aster mon ventre les vides, aster mon yeux y plaire. Moi la quitte mon île, ça t'y fait battre mon cœur. Moi la quitte mon île tranquille. Côté malheur, l'argent y en pas d'enquête. Oublie pas moi mon mot, oublie pas ton enfant. Astier son cœur est vide, mon Dieu la paix. T'y paye au grand cœur, t'y paye au grand cœur. C'est la brise d'un ailleurs. La France l'attrape en vie, mais l'y gagnera pas mon cœur. Un jour ma revenir, revoir mes frères et sœurs. Côté maman plaire pis, souvenir y reste en guerre. Un jour ma revenir, pour ressentir ton odeur, la Réunion, mon île, t'y paye au grand cœur. Moi la quitte mon île tranquille, au travail, au démalère, l'argent y rentre pas dans le cœur. Oublie pas moi mon mot, oublie pas ton enfant, Astier son cœur est vide.